Histoire de Jupiter et Callisto, d'après un tableau de François Boucher, interprétation 2, tableau féminin. Diriez-vous bonne aventure, Madame à la lune couchée, Vierge belle en sa figure, de ce portrait ébauché, Ange qui dit tout transformé, à la paume auprès des yeux, Fleurs et animaux chassés, mortel est venir aux cieux. Pas d'armes en lutte guerrière, comme un vent de l'olifant, carquois en devant derrière, dans la forêt amazone. Rose buisson de l'éclair, des nuages aux branches nues, d'ombre à ombre pourpourine, femme dans un tableau de vue.